Bonsoir à tous et bienvenue dans Memento Mori, l'émission qui s'amuse à réfléchir sur Radio Gamozo du dernier des vrais sujets importants, j'ai nommé la musique rock. L'émission de ce soir va être consacrée à un thème formidable, un thème que nous avions envie de taquiner depuis longtemps. Je parle du hard rock. Comment le hard rock s'est-il transformé en métal? Quel est le rapport entre Led Zeppelin et Kickback? Est-ce que Alice Cooper a donné un enfant maudit qui s'appelle Marilyn Manson? C'est de tout cela que nous allons débattre ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans Memento Mori sur Radio Gamozo. Voilà. Bonsoir, merci. Salut, pour salut. Un plaisir. Et merci à Philippe hein, d'être ouais, toujours. Besoin vraiment de parler finalement. Tout ouais, est fait. Quoi, c'est tout une source d'inspiration tous les jours entre Burzum et Led Zeppelin. Ouais, franchement. Moi, je propose qu'on mette le générique en boucle pendant 2 heures comme ça, et nous on mange et on écoute. Et bah écoute, il y a des gens qui appellent au standard et qui disent que ça sera pas pire que la musique qu'on passe. Du coup, on passe du Burzum ce soir. C'est ça voilà. Ouais, on du verra. Burzum et du Led Zeppelin. Bon bah super, hein ouais. Une belle journée d'été en apéro, ah. C'est parfait. Mais salut aux personnes derrière la régie. Salut, salut Lia, salut les stagiaires. Salut. Voilà. Non, c'est oh pas non, le non, stagiaire, non, c'est non, l'animateur. Fais pas le con, fais pas le con. Quelle méchanceté. Mais il est tout jeune, il a des cheveux, c'est pour ça j'ai cru. Ça te fait quoi quand tu le regardes? Ça te rappelle des choses? Non, bah ça, ma jeunesse, mon insouciance. Mais non. Quand j'écoutais Warthorn dans ma chambre. Voilà. Fatalité, visiblement. Bah, pas des masses, non. Ça, on sait bien que c'est une chose constante. Ce soir, on accueille Cham, notre ami Cham. Eh ben, bonsoir. Voilà. Faut tourner sur le micro. Hein. Donc, s'il y a un petit temps de pause, vous inquiétez pas, c'est normal. On se partage un micro, voilà. Je sais même pas si on m'entend bien, du coup, parce que je sais pas. Voilà. C'est pas. Monsieur, ouais, c'est super. Monsieur, tu vas voir. Va le faire, ça. Ça sera super. Faut bien parler dedans et ça va le faire. Donc, c'est un plaisir, ouais. Merci hein, pour l'invitation. Ah bah. Enfin, on avait personne. Timide, hein, je sais pas encore trop quoi dire. Mais... Voilà, bah, tu veux qu'on te pose des questions, non, tu veux te présenter. Non, bon, alors ton dernier album. Mon dernier album, alors c'est chez Dark Slot, un super groupe. Super groupe fondant. Chez Dark, voilà. Très très fondant. Fondant. Alors on va commencer tout de suite par deux groupes de hardcore. On va commencer par Woodwork, groupe de Toulouse qui vient de sortir, qui va sortir un nouvel album sur Stone Age Records. Woodwork, il y a quelques potes dedans, donc ça me fait plaisir de les passer. C'est leur deuxième album qui s'appelle Age of Concrete et le titre Days of Frat. Donc c'est du hardcore plutôt moderne mais très très politisé. Juste après, on va se mettre Bib. Je vais dire Bib. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Bon, ah, oui. Avec ou sans accent, ça marche. Bah écoute. Voilà, donc un groupe, je sais pas, ça doit faire 3 émissions que je vais les passer. Donc là, je cale en fait tous les trucs que j'ai du mal à passer. C'est du hardcore, pareil, un petit peu moderne, un peu violence, avec le titre Freedom, qui date de 2017. Woodwork et Bib. We'll be right back. Alors, petit hardcore old school, bien comme il faut, avec les petits apéros tout à fait succulents. Et gras. Et grave, donc ça va bien se marier avec notre émission. Voilà, donc à l'instant c'était Bib et juste avant Woodwork, donc petit passe à l'hardcore. Ouais, vachement bien Bib, hein. Oui, oui. Très bien. Voilà. Tout à fait. C'était mon commentaire éclairé. Non, c'est ça, ça sert à rien de dire de trop, hein. Et on enchaîne tout de suite avec Frog Lord, un groupe de sludge américain. Et on va écouter le morceau Ecocide qui vient d'un petit EP qui est rigolo. Enfin, rigolo. Donc le groupe s'appelle Frog Lord, les grenouilles c'est un peu leur concept et tout, et ils ont fait un album concept pour aller jusqu'au bout et récolter des fonds pour préserver America où il y avait des grenouilles. Donc on va écouter Ecocide sur le EP Save the Frog de Frog Lord. Et on enchaîne avec Toxic Death, groupe norvégien de trash black old school, bien méchant, bien satanique comme il faut. Voilà, Frog Lord et Toxic Death. saccage de ton, nécrophilie romantique et meurtre sacrificiel par des vikings épanouis. Toujours sur Memento Mori et on vient d'écouter les Norvégiens de Toxic Death. Donc ça ne date pas des années 80, c'est un album qui est sorti en 2020, album Sepulchral Demon, et on vient d'écouter Undead Vengeance. Voilà, c'est ce qu'on appelle la machine à remonter le temps. Incroyable, incroyable. Donc ben, moi je vais lancer sur deux morceaux du coup, où j'ai essayé de faire une petite playlist un peu thématique, voilà, en me basant sur une des passions secrètes d'Arnaud que j'ai découvert récemment. Voilà, ça m'a inspiré. Du coup, alors attends, attends, passion secrète, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors j'en dis pas plus, le but c'est de découvrir. Pas si secrète que ça. Il y a des énigmes. Alors vous allez voir, c'est très subtilement caché. Dans les titres. Noter les initiales. Voilà. Alors, le premier morceau, donc c'est un morceau de Turbo Negro, donc je pense qu'on présente pas trop. Et le morceau, c'est I Got a Knife. Et après, on enchaînera avec Raging Speedhorn et un morceau qui s'appelle Born to Twist the Knife. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est bon, Lia, tu l'as ? T'as le thème commun ? Tu peux gagner un verre de vin blanc au bout de 5 bonnes réponses. Si vous trouvez, appelez-nous, vous gagnez un sticker, ça. Il fut un temps, mon garçon, où je recherchais l'acier. Et l'acier était plus important pour moi que l'or ou le joyau. Le secret de l'acier. Oui. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas, mon garçon ? Dois-je te le dire ? C'est le moins que je puisse faire. He could open up a man. On ne fait pas ces têtes-là quand on écoute les Larsen. Voilà, je les ai augmentées, les Larsen. T'aurais dû avoir l'oreille. Ah. Mmh. J'ai peut-être plus de cheveux, mais j'ai encore une bonne oreille pour les entendre. Hein. Merci pour ce moment. Bah, bon, je pense que vous l'avez, non ? Mais non. Attends. Alors, avec les morceaux suivants, d'accord. Bah, du coup, c'était Turbo Negro, hein, avec l'album Sexual Harassment, qui était sorti en 2012. Et c'était le premier album depuis la reformation avec le nouveau chanteur, du coup... chanteur de Dukes of Nothing. Et après vous avez eu Raging Speedhorn et Band to Twist the Knife. Donc Raging Speedhorn, groupe anglais sludge, un peu un peu typé sludge hardcore, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu un petit peu. Top tier, top tier direct. Au moins top 50 pour un des deux. Ah d'accord, magnifique. Du coup, juste après, on va s'écouter, parce que moi j'ai deviné le thème quand j'ai vu la liste entière des morceaux tout à l'heure. Du coup, on va s'écouter Posi Zero avec le morceau Un petit coup de couteau. Ah. Et juste après, on va s'écouter Iraki, qui est un groupe danois, si je dis pas de bêtises. Bon, un peu chelou, c'est avec des gens de The Armed dedans. Et du coup, c'est assez chelou, un peu hardcore, un peu électro, tout en même temps, comme ils aiment bien faire dans The Armed. Voilà, on s'écoute ça. Oh, I swear. hélicoptère avec tes mains. Oui, oui, non, mais tout à fait. Voilà, et on était en pleine réflexion philosophique sur les hélicoptères. Ouais, il faudrait mettre des Larsen à chaque fois, s'il te plaît. Si tu peux, mixer ça rapidement. Tu as les samples de Larsen. Ouais. Bah, j'en ai une émission, un générique spécial Larsen. Un générique spécial Larsen, j'ai fait. On a fait. C'était pour Marcus. Voilà, sinon on le fait pas, qui le fera? Donc à l'instant c'était Iraki et juste avant c'était Poésie Zéro. Vous noterez une différence de production et d'intention dans la voix entre les deux morceaux. Ouais, mais puisqu'on est dans les différences de production, je pense que c'est le moment de passer du gore grind, tu vois. Et comme en plus je me sens défié personnellement avec vos thèmes sous-jacents là, je me suis dit allons-y, on va écouter Buffet Froid. Donc salutations à Pipe qui est, donc c'est le tout dernier, c'est vrai que c'est un EP qui a sorti ou un split? Ah c'est un split avec le groupe français là, j'oublie le nom, on dira après. Je sais pas, je sais juste que humainement c'est vachement bien Buffet Froid. Humainement. Et donc le titre du morceau pour le coup c'est Wombat in a Diner. Et juste après on va écouter Six Sinus Syndrome, un petit groupe de gore grind que j'ai découvert, mais ça va un peu vite pour du gore grind, mais c'est quand même du gore grind. Et le morceau c'est Carcass Dismemberment. Ben voilà, j'ai un couteau dans le ventre. Oh merde. Pas dans mon assiette. Quel effet ça fait? Un peu comme un lavabo qui se vide. Donc ce que je vais faire, je prends mon couteau et je sépare ici la cage thoracique. En fait, je vais ouvrir la cage thoracique en deux pour enlever tout, c'est-à-dire les rognons, le foie, la trachée, les poumons, tout ça, jusqu'à la tête. Il a coupé au niveau du disque. Voilà. Et voilà. YouTube est une ressource formidable. N'est-ce pas, tu vois? Bon, je pense qu'on a perdu 50% de nos auditeurs. Bah, écoute, on peut faire un sondage. Si vous souhaitez avoir davantage de productions de ce genre à Gamozo, n'hésitez pas à contacter les référents. La fenêtre est ouverte, on peut les entendre. Clairement, et puis, je pense que tu peux proposer une émission de 2 heures à grande écoute à lundi 13h30. Non, en matinale, c'est vachement bien. En matinale, c'est ça. Voilà, la météo, petit tuto cuisine, je fais tout. Voilà. Non, vous en pensez quoi? C'est déjà pris, créneau, désolé. Créneau est pris. Quel dommage. Faut hésiter à bouger un petit peu les acquis comme ça. Voilà. Faut sortir des sentiers battus, c'est exactement. Ça. C'est toi la chef maintenant. Alors, tu peux disrupter. Justement. Justement. Voilà. Ça, c'était pour le foutage de gueule. Ce n'est pas du tout notre genre. Jamais. Allez, après, on va se mettre un petit débit, hein, mes amis, hein, comme on aime ici. On va commencer par Arrogant, nouveau groupe de Belgique. Avec le chanteur notamment de Travolta. Les autres, ils ont dû faire autre chose, mais je sais pas quoi. Ils viennent de sortir un split avec Vision of War, qui, donc ça fait très très longtemps qu'ils ont rien sorti, donc ça fait bien plaisir en tout cas de rentendre des titres de leur part. Donc Arrogant avec le titre Fuck Off Now, voilà, classique. Et juste après, juste après Day of Desolation, pareil, c'est belge aussi, avec le titre Rift in Dutcher. Je sais plus c'est de quand, j'ai pas noté toutes les infos, mais c'est récent. Et puis ça, c'est plus cross grind. On n'écoute pas les morceaux qu'on passe, tu vois. Un petit point. Ah, si, je l'ai écouté. Ouais, le début. Ah, je l'ai écouté, mais ça. T'as écouté le début, t'as fait, ouais, ça bourre, je vais le mettre. Ah, non, j'ai écouté la fin et je me dis, pourquoi pas, ça peut être rigolo parce que mes compars aiment bien les trucs un peu pénibles. Et du coup, je me dis, pourquoi pas. Mais je m'excuse parce que le metalcore, moi, j'aime pas. Et du c'est coup, pas la mal. Fin était un peu. Voilà, la fin était pas indispensable. Bah, c'est le seul moment où l'IA a pas fait la grimace, alors bon. Moi, j'aime bien. Bon, bah, pas de problème, c'est l'essentiel. Donc, à l'instant, donc, c'était Day of Desolation qui a sorti plein de splits, plein de disques divers et variés, et avant Arrogant. Donc, 100% cycliste belge. Voilà, c'est de la belle cuisse, quoi. Excellent, bah merci. Bah écoute, on va enchaîner un peu sur le même ton, je crois, parce que du coup, on va enchaîner avec Full of Hell et Merzbo sur un morceau qui s'appelle. Ça me manquait tellement, les deux-là. Alors, j'ai pas pris un truc trop Merzbo, c'est plus Full of Hell en fait dans le son. Hein. Donc, c'est déjà pas mal. Shattered Knife, voilà, c'est pas mal, ouais. Et on enchaîne ensuite avec Gridlink, le morceau Steak Knife, du coup. Il a un couteau, regardez. Un couteau, ça. Ça, c'est un couteau, fils. Excellent. Yes. Alors ben, c'était donc Full of Hell et Merzbo sur l'album éponyme en fait, hein, de leur collaboration, sorti en 2014. Et ensuite c'était Gridlink, voilà, tout ça c'était bien grindcore. Donc Gridlink sur leur dernier album en date, donc Amber Grey, hein, 2008. Voilà, top 20 au moins. Non mais je pense que c'est très efficace. Et j'irais même jusqu'à dire, c'est aiguisé comme un couteau. Ah c'est pas mal, ouais. Alors, en fait, c'est bien de faire ça quand c'est plus toi qui parle après, mais là, du coup, c'est à moi de mettre des morceaux. Alors, tant pis. Du coup, on va s'écouter Wind Hand, qui est un groupe de stoner, sludge doom, enfin, un groupe lent, quoi. Je sais pas, il y a une playlist Spotify avec stoner rock un peu tout mélangé, et c'est dedans, c'est vachement bien. Et il me semble qu'il y a Chris de Macoder Grind qui fait soit le son pour eux, soit fait de la batterie maintenant dedans. C'est rigolo, ça. Maintenant. Voilà, mais il fait, parce qu'il est sondé aussi sur pas mal de groupes, et du coup, ça le change un peu. Bah oui, parce qu'il a pas trop d'autres projets à ma connaissance, en tout cas qui vont vite. Bon, il fait de la moto, mais à part ça, c'est pas vraiment un projet. Et après, on va s'écouter Louis Ling and the Bombs, qu'on avait déjà passé un morceau en fait, parce que ça fait partie des rares groupes qui prennent encore la liste de radio en fait alternative en France et qui envoie des mails de promo à toutes les radios alternos comme ça. Du coup, voilà. Mais le morceau est cool, puis ils se décrivent comme anarcho-pop. Du coup, rien que ça, je trouve ça sympa. Après, il y a aucun morceau qui se ressemble dans l'album, donc c'est compliqué de dire c'est comme ça le groupe. Mais ouais, j'ai pris celui-là parce qu'il est sympa. Puis t'as pris le côté anarcho ou le côté pop du coup? C'est le côté un peu bizarre du morceau. Ah. Le reste, c'est grimpe plus punk mélo en fait, et du coup, ça marche. Je sais pas, je trouve que ça m'emmène moins dans d'autres endroits. On s'écoute ça. Qu'est-ce donc cette diablerie? We'll be right back. J'ai vu une grosse bête. Il a pas de micro. Voilà, putain, c'est quand même pas compliqué. Ça manquait grave d'entrain quand même. On n'y croyait pas trop parce qu'il y a pas grand chose à dire. Donc, putain, on voit les stagiaires quoi. Ouais, ben, c'est pas grave. T'as le droit à l'erreur. Alors du coup, il y a un concert, du moins qu'on peut annoncer. Il y en a sûrement d'autres à gauche, à droite et à d'autres endroits, mais on s'en fout de les annoncer parce qu'ils nous intéressent pas. On va commencer par commencer et terminer par Trash the Guinguette, hardcore à la ferme. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter, hein. On se doute un peu où on va. Donc il y a Illegal Corpse, donc si vous avez écouté cette émission dans les mois précédents, vous devez connaître. Orchid, Hardcore Indus de Strasbourg, ça je ne connais pas. Et Streptocoque, Noise Punk de Saint-Dié, des Vosges. Du coup, tu veux dire qu'ils ne jouent pas à Saint-Dié? Non, mais ils sortent. Mais alors attends, c'est pas très très loin. C'est leur faire. Les kilométriques sont proches, à Laval-sur-Vologne. Bah, à moins de 30 bornes, je pense, donc ça passe quoi. Ouais, mais gros déplacement quand même. Hein. Gros dep. Je pense que la clique de Saint-Dié sera au complet. Donc c'est. Je sais pas, c'est un chemin de fête, donc à Laval-sur-Vologne, 88-600, le 28 août 2021, pour 5 balles. Donc 3 groupes, des DJ à la fin, apparemment toute la nuit. Donc ça s'annonce pas trop mal quoi. Cool. Voilà, donc c'est un lieu qui vient d'ouvrir. Donc voilà, il serait chaud pour faire des concerts, des DJ, du théâtre, des choses comme ça. Donc à suivre. Ouais, bon à savoir. Ouais, carrément. Puis la soirée nous plaît, donc c'est bien. Cool. Parce que ça nous plaît. En tout cas, ça tombe bien qu'on parle d'Illegal Corpse parce que j'ai un morceau rescapé de l'émission précédente que j'avais voulu passer quand Joe était là mais que j'ai pas pu. Donc c'est du trash crossover. C'est Intoxicated, un groupe que je connaissais pas, que j'ai découvert pour l'occasion, mais ça bourre bien, donc Ça va bien passer. On va écouter le morceau Wild, issu de l'album éponyme. Et on va enchaîner avec les Allemands de Entrails Massacre, qui viennent de sortir un super split avec Sanctioned, le groupe australien qui va ultra vite, et qu'on écoutera dans un split peu... épais. Ouais, c'est ça, un petit peu plus loin dans l'émission. Donc tout de suite, c'est Intoxicated et ensuite Entrails Massacre. You are shame. Intoxicated. C'était Entrails Massacre. Alors attends, il faut que je dise le titre du morceau quand même, parce qu'il est rigolo. C'est Stick Your Tasteless Gossip Up Your Ass. Voilà. Issu du EP avec Sanction, qu'on écoutera plus loin dans l'émission. Mm-hmm. Ouais, c'est un bon petit groupe. Hein. Ouais, ouais, c'est très très cool. Ouais, j'aime bien, ça marche bien, les deux voix et tout. Ouais, ça a sorti déjà pas mal de... Ouais, c'est ça. Ça, et puis, ça existe, ce groupe-là. Et puis, il me semble que ça faisait un moment qu'ils avaient peut-être pas trop d'actu. Moi, j'ai pas... Ça, je sais pas. Ou j'ai pas trop suivi, peut-être. Mais en tout cas, j'étais bien content. C'est le chanteur de Vodchek aussi, non? Ah, je sais pas. Là, tu as plus d'infos que moi. De Rostock ou... Mais en tout cas, j'étais bien content de les retrouver, puis surtout sur un EP avec Sanctuand qui bourre bien aussi, donc c'était très bien. Carrément. Espérons qu'on arrivera à le trouver en physique, ce sera encore mieux. Alors, on va se mettre deux petits groupes allemands. On va commencer par Pischarge, qui est un groupe de Hanover. Hanover, je crois, si je dis pas de conneries, Hambourg. Hanover. Hanover. Hanover. Ouais, on peut dire, ouais, c'est pareil. C'est pas un groupe de 10 bits plutôt? Ouais, aussi, ouais. Ouais, il y a l'origine, il y a le style, il y a plein de choses. Avec le 2, on peut faire plein de choses. Il y a un petit truc dans le nom. Il y a quelque chose, effectivement. Donc, le LP s'appelle Anatomy of Action. Il est sorti il y a peu par plein de labels cool. Et juste après, on va se mettre Stratch, que je connaissais pas, de Berlin, un groupe anarcho-punk féministe, d'après ce qu'elles disent, avec le titre Hunters. J'avais demandé à un label, en fait, un titre d'un groupe, un truc de grind, rien à voir. Il m'a dit, ouais, bah, en fait, ça, je sais pas, mais tu peux passer les autres trucs que j'ai déjà sortis. Du coup, j'ai dit, ok, rien à voir avec la choucroute, mais du coup, c'est très bien, en fait, ça. Donc, du coup, j'ai écouté et c'est très cool. Donc, Stratch, c'est bien. Donc, je suis content d'avoir découvert. Merci. Je sais plus comment il s'appelle non plus. Hein. Les infos n'ont pas besoin d'être au maximum non plus. Donc Stratch, c'est pas du boulot. Si tu veux, je peux donner une liste de prénoms que tu peux utiliser aussi. Oui, ok, merci. Bah, vas-y, des prénoms allemands, du coup. Ouais, mais on sait plus. Hein. Jeanne, Hans, Charles, Karl. Voilà, c'était Gorg. Voilà, donc Pischarge et Stratch, et puis voilà quoi, punk as fuck. Ja, Voilà, c'est terminé. Et donc voilà. Les séances de films sont. Ouais, du coup, on n'a rien écouté de ce qui est passé. Mais comme jamais. Ça, c'est la première fois que ça nous arrive dans cette émission. C'est effectivement. Mais bon, les conversations étaient assez. L'anecdote était pas mal. Était rigolote. Ouais, t'es pas au jeu. Tu veux la partager en public ou pas forcément? Allez, ça va être long. Encore des morceaux à passer. Voilà, c'est ça. Donc à l'instant, c'était Stretch et juste avant Piche Charge. Et c'était bien. Et c'était même. bien. Peu qu'on a entendu, c'était cool. Tout à fait. Du coup, on enchaîne. Alors, on va enchaîner avec un petit morceau classique, de Napalm Death. Voilà, petit morceau avec lequel j'ai un peu découvert le groupe quand j'étais ado et que je vais vous mettre là. Donc, c'est Twist the Knife, Slowly. Entre parenthèses. Et après, donc, on va enchaîner avec une petite découverte que j'ai. Enfin, c'est un album que j'ai trouvé il y a pas longtemps. C'est Year of the Knife. Donc un groupe américain avec un album qui s'appelle un morceau qui s'appelle Final Tears, donc qui est sorti sur l'album Internal Incarceration, voilà, c'est compliqué à dire, sorti en 2020, donc morceau le plus récent que je pense que je vous mettrai ce soir, mais parce mais voilà, les autres tu les as pas encore écoutés. Non, pas encore écoutés. Ouais. Regarde-moi ça. Ce joli joujou me rappelle de bien jolis souvenirs. Pourquoi? C'est le couteau que t'as planté dans le dos de ta mère? Non. J'ai fait un joli sourire à ton copain. De là... à là. Gonna die, so I can have the power to live on the other side. Et voilà, donc c'était Year of the Knife, du coup. Alors, petit groupe hardcore, straight edge, qui fait aussi un peu de grind. Enfin, c'est un peu d'un morceau à l'autre, c'est aussi un peu dans tous les sens. C'est un peu comme Year of No Light, mais avec de la lumière et des couteaux. Oui, c'est à peu près ça, voilà. Voilà, un peu différent quand même. Hein. Ouais. Je sais pas s'ils sont straight edge, hein, les Years of the Night. Oui, je sais pas trop. Ouais. Mais tu vois, il y a surtout beaucoup d'HM2. Hein, ouais. Oui, beaucoup d'HM2. Ouais. Bah, apparemment, ouais, bon. Après, c'est un groupe un peu familial, de ce que j'ai compris. Donc, il y a genre deux frangins jumeaux là, à la guitare-batterie, puis un couple. Couple basse-guitare. Mmh. Alors, est-ce que la HM2 et le côté familial a un rapport ensemble? C'est la question. Voilà, parce que moi aussi, je cherchais un petit peu le rien rapport. Aucun lien, en D'accord. fait. C'est juste, bah, tu m'as coupé. Non, ce que j'allais dire. C'est le principe de l'émission. On se coupe régulièrement la parole. J'ai pas encore l'habitude, je découvre. Et c'est, juste une seconde, Lia, est-ce que c'est possible de baisser un petit peu les micros dans les. On s'entend ouais, dans un petit retour. Peu trop, ouais, dans le retour. Ouais. C'est parfait, merci. Ils entendent un peu trop mes blagues et du coup, ça les saoule. On les entend deux fois plus qu'avant. Deux fois plus, voilà. Voilà, donc voilà, c'est, oui, bah, assez agressif, pas mal. Bah, c'est vrai que c'est, d'un morceau à l'autre, ça peut être assez varié. Il y a des trucs plus grind, plus hardcore, etc. Donc plutôt pas mal. Donc l'album, c'est Internal Incarceration, je vais réussir à le dire bien, qui est sorti en 2020. Puis avant, c'était Napalm Death, du coup, que j'ai découvert grâce à la BO de Mortal Kombat, le film, quand j'étais ado. Voilà. D'où le petit sample d'intro, hein, pour ceux qui ont reconnu. Ouais. Moi, je croyais qu'il y avait juste l'espèce de machina de l'enfer, là, tout le long. Non, il y a aussi du Fear Factory et trucs comme ça. Ouais. Oh putain. Bah, écoute, je suis en vacances, je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais aller voir ma meuf et je vais dire, tu sais le film de cinéma, on a dû sortir en plein milieu de la séance. Et ben, pour compenser ça, on va se regarder Mortal Kombat en amoureux. Ah la pauvre. Et là, c'est sûr que ça va matcher. Là. Du coup, c'est moi, pardon. Ça fait la deuxième fois que j'ai fait une blague où je devais passer la parole et j'ai pas fait ça. Ouais. On va faire des plannings. Non, je suis pas prêt pour remplacer Morandini, je crois. Les auditeurs klaxonnent. Ouais, bah alors, ils veulent quoi du coup? C'est la playlist de Gorgrind? Ouais. On sait pas. Ok, c'est bon, je mets des trucs après. Voilà, bah écoute, n'hésite pas. Ouais. Super. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai dit qu'on mettait? J'ai dit qu'on allait passer Big Business, qui paraît un groupe que j'ai découvert dans cette fameuse playlist de Stoner. Et c'est ultra cool, c'est un duo. Très cool. Duo guitare, batterie, et puis avec le guitariste qui chante. C'est trop bien. Qui ont joué avec les Melvins quand ils étaient à 4 à un moment. Ah ouais? Donc avec deux batteries, donc le batteur de Big Business et le batteur des Melvins. Ils étaient à 4, ouais, pour 3-4 albums. Putain. Eh ben écoute, c'est vachement bien. J'ai découvert ça comme ça et c'est gros son et tout, c'est vraiment sympa. Et juste après, on s'écoute The Bronx, un groupe sympa s'il en est. Bon, j'ai déjà passé, je sais pas, 14 morceaux à peu près, dont un quand ils sont en mariachi. Mais là, ce coup-ci, ils refont un album pas mariachi, ce qui est sympa aussi des fois, hein, quand même. Voilà, qui est un extrait de leur album qui va sortir dans un futur assez proche. Là, donc voilà, c'est toujours aussi rock, hardcore, vachement sympa. Call it. Et à l'instant, c'était The Bronx avec un morceau issu de leur prochain album qui va sortir dans un futur proche. Je sais pas, je suis toujours aussi fan de The Bronx, la voix et tout, c'est trop mortel. J'adore ce groupe. Et juste avant, c'était Big Business, voilà, qui est vachement cool aussi. Des bons gros plans de batterie dans tous les sens. C'est vachement travaillé, vachement recherché. C'est ultra sympa. Et puis c'est des trucs à écouter l'été, ça, c'est bien. Ça passe. Tu veux dire comme Turnstile ? Ouais, c'est ça. J'ai pas écouté Big Business. Non du plus, coup, ciao. Ça s'est passé un peu comme ça. Ah bah, voilà. Ouais, non, mais à réécouter du coup. Ah, mais c'est... J'écouterai l'émission. Tu réécouteras, Carrément. Ça va avec les anecdotes et les hélicoptères, tout ça, qu'est-ce que tu veux. C'est, oui, c'est exactement ça. Faudrait se taire. Bon, on va passer des trucs qui vont ultra vite. On en a pour 3 morceaux en 2 minutes. Aussi vite qu'un hélicoptère. Plus vite qu'un hélicoptère. Plus vite que tout. C'est Shit Life, mon gros gros coup de cœur fastcore du moment. J'avais déjà passé un morceau. Ça me, pardon, ça me dit quelque chose. Ouais, ils avaient sorti un split très très bien avec Noisy Neighbors, où c'était très bien. Et là, donc c'est le, on va écouter Grind the Week de l'album précédent qui est sorti il y a quelques années. Et du coup, j'ai découvert, en fait, c'est un peu le side project du batteur de Black Dahlia Murder. Ce groupe de metalcore de l'enfer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu sens que Shit Life, c'est le groupe où ils s'amusent genre à aller le plus vite possible, voilà. Donc moi j'aime beaucoup beaucoup. J'aime autant Shit Life que j'aime pas trop Black Dahlia Murder. Voilà. C'est la bonne balance. Voilà, c'est ça. Et on va mettre ça avec un petit groupe que j'ai découvert sur un Urshi de Power Violence sur Facebook. Ça s'appelle Negative Bias. L'album, c'est Speedcore Summer et ça vient de sortir là en 2021, je crois, peut-être au mois de juin ou juillet. Et donc ça va ultra vite aussi. Donc les deux vont bien aller ensemble. Donc voilà. Alors du coup c'est l'inverse, c'était d'abord Negative Bias et après Shit Life. Alors c'était quel le truc du Discord de l'enfer là? C'était le deuxième groupe. Ah là, voilà, oui, donc c'est ça, c'est logique, ouf, Gravity Blast sa mère, ça, tout ça. Qui va okay. À 666 BPM, tout ce que tu veux. Ça laisse quand même pas différent. Hein. Bah moi j'adore, franchement j'écoute ça en boucle. Au petit déjeuner c'est parfait. Bien sûr. Bon l'IA c'est pareil, je pense qu'elle s'est commandé l'album à l'instant. Là. À l'instant. Moi, j'aime je suis bien, complètement fan, je pense que je vais tout lâcher pour retrouver ce groupe et leur prouver tout mon amour. C'est un beau geste. Merci. D'ailleurs, pour le grindcore. Bon, il reste une petite demi-heure, hein, donc voilà, on va encore passer quelques petits groupes. Hein, vous avez encore des petites choses à proposer ? Pas grand-chose, du coup, on va discuter un peu sur la fin, là. Une petite paire, ça va. Ouais, voilà, bah, ça va aller, du coup, tu termineras. Très bien. Moi, j'ai passé Toxic Waste. Voilà, il y a plein de groupes qui s'appellent Toxic Waste, mais pour le coup, là, c'est l'un des, peut-être l'un des premiers punks à s'appeler comme ça. C'est un groupe de Belfast. Oui. Ah, du coup, c'est pas ceux de Lille, alors ? Bah non. Ah, je suis bah d'accord. Bah, autant pour moi. Très bien. Tout à fait. T'en as passé il y a pas longtemps d'ailleurs de Toxic West de Lille. Mais non. Moi, ok. C'est des, ah, autant pour moi. Non, c'est des Écossais. Du coup, voilà, ces groupes, je sais pas, 79-80, premier groupe anarcho-punk de cette période dans ce pays, avec la chanteuse de Dirt notamment sur certains titres sortis sur Crass Records, après sur les labels de Mortareil, de Conflict. Donc c'est un peu grosse référence de l'époque là. Ils ont ressorti là un album, enfin une compile tout récemment de tous les titres plutôt cool qu'ils ont sortis. Donc c'est très très bien. J'espère pouvoir la choper. Donc le titre, ce sera Tug of War. Ça dure 4 minutes. Un arco-punk classique. Voilà. Moi, ça me plaît bien. Ça détend un petit peu l'atmosphère après les brutalités outrancières qu'on vient de s'écouter. Oui. Voilà. Donc un petit punk sympathique. Ça sera bien. Yep, yep, vous êtes toujours sur Memento Mori, le son c'est FM Radio Game Ozo. On vient de s'écouter Toxic Waste, vieux groupe anarcho-punk de Belfast qui n'existe plus. qui voilà quoi qui Belfast qui faisait le taf quoi. Belfast existe toujours. Rien de la carte. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, si c'est calme ou pas, parce qu'en attendant ils étaient en plein dans la période comme de guerre là-bas et du coup ils ont vachement lié le punk et la politique pendant cette période. Bon, je vais aller faire fondre le cheddar. Très bien. Ça c'est totalement politique, le cheddar au micro-ondes, c'est parfait. Parfait. Bah c'est à toi, Chama. Bah écoutez, moi je vais conclure avec deux petits morceaux, un truc un peu plus long, voilà, instrumental avec pneus du coup, le duo de Tours. Basse batterie, enfin guitare batterie, pardon, j'ai des bêtises. Avec à coup de couteau denté, pour rester dans la thématique. La thématique est vraiment bien respectée. Voilà, hein. Voilà. Je sais pas si vous avez trouvé la thématique du coup depuis le temps, mais. Et. Bah, c'est les ustensiles. Les ustensiles, voilà. Mmh. Ouais, ouais. Les fourchettes. Voilà, les fourchettes, ouais. Et pour conclure, donc un morceau qui s'appelle The End du groupe Hell Knife, du coup. Ah oui, très bon groupe ça d'ailleurs. Pas mal. Donc un groupe de 10 bits allemand, bah, creuse 10 bits. Donc pneus en premier. Kuchlas. Et voilà, c'était The End de Hellknife sur l'album Dusk of Doom qui est sorti en 2019 du coup. Voilà, petit 10 bits un peu crust et tout allemand, pas mal. Très très bien, clairement inspiré à la Volley Brigade. Oui, oui, il y a un petit truc comme ça. Il y a un petit truc comme ça quand même. Puis juste avant, donc, c'était Pneu, le duo de Tours. Donc vraiment cool, enfin, un groupe qui joue en général dans la fosse, enfin, au milieu des gens, quoi, si on a qui ont la chance de les voir. C'est vraiment sympa. Et donc c'est tiré de l'album Pince Monseigneur qui était sorti en 2008. Voilà. Très bien, merci. Magnifique. Et du coup, on va s'écouter Fall for Rising, qui est un groupe de hardcore français. J'ai pas trop révisé le mail promo, hein, désolé Chambéry Connexion. Mais voilà, c'est les mecs de Chambéry qui nous ont envoyé ça, qui s'occupent de faire de la promo. Voilà, c'est du hardcore. Pas grand chose de plus à dire dessus parce que ça reste du hardcore. Donc voilà, c'est pas trop mal, hein, mais voilà, c'est un classique. Et juste après, on s'écoute. Oui, Maribel. Maribel, tout à fait. Donc nouvel album de Maribel, groupe parisien. Le LP s'appelle Bellatrix Boadicea. C'est exactement ça, hein, sorti sur Destructure Records, très bon label de Caen. Merci Arnaud pour la petite nouvelle. Info, tu as quand même. Petite info, très très belle pochette par ailleurs, très très très belle. Maribel, j'aime bien, ça fait plusieurs temps que j'écoute ce groupe. Le disque-là est vraiment très cool. Le titre s'appelle Rapist Behind the Scene. Voilà, c'est un groupe très engagé, voilà, politiquement, très féministe tout, dans la démarche, dans les paroles, quoi. Donc, en même temps, c'est mixte. Enfin, de mémoire, il y a deux dedans. Il y en a trois. Trois meufs et un mec. Ouais, c'est ça. J'ai regardé une vidéo, photo. C'est ça. Oui. J'ai regardé une photo, c'était ça. Ah, c'est ça. On est d'accord. On est d'accord. Bon, y a au moins deux. Oui. Voilà. Hey, franchement, j'avais un début de bonne réponse. Alors, on se met ça. Now that I stand, my soul is alive and we will sing. Voilà, voilà. Donc, on vient de s'écouter à l'instant Maribel, ouais. Juste avant. Et Fall for Rising, le hardcore. Voilà. je vais quand même, je vais chercher d'où ça vient, puis je vous dirai. Hein. Voilà. À court, en attendant, quand on va 22h30. Les morceaux suivants. Donc, on va enfin écouter Sanction de ce groupe australien qui bourre à mort avec des membres de The Kill et de, je sais plus, un autre groupe. Mais ils sont deux. Ah, ils ont Donc, oui, du coup, bah, je crois qu'ils sont deux. Hein, voilà. En tout cas, c'est très très bien. Et puis c'est vraiment une grosse claque grindcore. Petite parenthèse, visiblement, ah, Guillaume. Il a l'info, monsieur, ça vient d'Annecy. Hop, on interrompt le direct. Annecy dans le 74. Voilà, donc. Merci. Ouais, donc c'était sponsorisé par Chambéry, Annecy. Voilà, on est bon. Je sais pas c'est quoi le département, mais c'est le département. Ouais, c'est le conseil départemental qui. La montagne, tout ça là-bas. Ouais. Allez, retour en Australie, pays des grosses araignées et du grindcore qui va vite. On va écouter le morceau Injustice de Sanctioned, donc issu du split avec Entrails Massacre qu'on a écouté tout à l'heure. Et on va enchaîner avec. Avec Hateful Tree, du coup, nouveau groupe de d'Audincourt, territoire de Belfort. Je dis pas de conneries. Ouais, wow, tout à fait. C'est ce Moloko, qu'on a, tout ça. Voilà, Moloko et compagnie. Et donc je pense que c'est plus ou moins un peu les gens de cette scène-là. Avec le titre Trash for Satan. Pas grand-chose à dire. Ça donne. Est-ce que vous voyez un peu le style du coup? Franchement, ça me donne envie. Direct. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'en dire plus, on verra bien quoi. Bon, je parle un peu vite. C'est pas un problème, non, si je suis rapide. Je suis un mec qui est rapide, je suis speed, pourquoi? Je mange que des légumes. Fucking Ouais. Ouais, c'est pas grave, il y a des petits soucis, mais tout va bien, quoi. Pour le trash, on a le droit de. Bah, on oui. peut se permettre des petites sauteries, il n'y a pas de problème. Pas Est-ce que c'est pas la faute du sample, en fait? Ouais, je pense que ça vient de ça, ouais. Ouais. Donc, faudrait essayer sans sample et voir du coup s'il n'y a pas de problème. Voilà. Je viens en mettre moins. Oh, non, pas 100. Non, pas 100 non plus, non. S'il te plaît. T'es déjà 25 là. Stop. Bon, c'est plutôt affirmé tout ça, hein. Ah oui, tout tu à fait. Pas du coup, il nous reste 10 secondes pour se dire que c'était sympa. On se retrouve dans 4 semaines. Voilà, merci à Cham d'être venu. Merci à nous avoir écouté. Hein. Merci à vous. Et puis à bientôt. Cool. On vous fait des. Cool. Bonne soirée. Ciao, bisous. Ciao. Salut. Je réveille des morts, je défonce ta porte. Bonsoir à tous et bienvenue dans Memento Mori, l'émission qui s'amuse à réfléchir sur Radio Gamozo du dernier des vrais sujets importants, j'ai nommé la musique rock. L'émission de ce soir va être consacrée à un thème formidable, un thème que nous avions envie de taquiner depuis longtemps. Je parle du hard rock. Comment le hard rock s'est-il transformé en métal? Quel est le rapport entre Led Zeppelin et Kickback? Est-ce que Alice Cooper a donné un enfant maudit qui s'appelle Marilyn Manson? C'est de tout cela que nous allons débattre ce soir.